من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيته وحكمه، إن شاء غفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل النكرة الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. متغسينك وغسلهمك تكي. Ceux qui commettent des grands péchés parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'éterniseront pas dans l'enfer s'ils meurent et sont monothéistes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant qu'ils sont croyants, tant qu'ils reconnaissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, ou dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la divinité, Tawhid al-Uluhiyya, ou bien l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses absolus, et qu'ils meurent dans cet état-là et qu'ils rentrent en enfer, ça ne sera pas éternel. Cela même, s'ils ne sont pas repentis, même s'il avait fait un grand péché, il est mort, il a fait de la croix, il est mort, il a fait zina, il est mort, il a volé, il est mort, il a tué. Tant que c'est un croyant, il ne sera pas en enfer éternel. À condition qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala étant croyant, c'est ça la condition. Qu'il soit croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. S'il meurt, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il se dit musulman, c'est un kafir. Il se dit musulman, mais alors en vérité, c'est pas un musulman. Il sera ainsi sous la volonté et le jugement d'Allah. Si ils veulent, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonnera. Et il passera leur péché par sa grâce, par sa miséricorde. Comme il l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, « Yassiru ma duna zalika lima yasha » Et il pardonne en deçà du polythéisme à qui il veut. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a en dessous du polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala, « Qadra al maskira lak » Tout ce qui est en dessous du polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir. In sha'a ghafara lahu, fa in sha'a 'adzabahu. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut pardonner, qu'est-ce qu'il va commander Allah subhanahu wa ta'ala? Hasha. Qu'est-ce qu'il va décider la fin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hasha. Si maintenant Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le pardonner, il a du choix Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne peut pas savoir ce qu'il a fait durant toute une vie. Durant une vie de 60 ans, une vie de 70 ans, une vie de 80 ans, on ne peut pas savoir quelle personne qu'elle s'est fait. Il se peut que toi, avec tes yeux, tu vois qu'il fait des trucs ou des choses de l'expérience, pour toi tu dis, ça y est, ça c'est l'enfer éternel. Ou bien tu te dis, ah non, lui, il mérite l'enfer. Car nous, parmi les musulmans, il y a l'exemplaire. C'est notre frère qui décide. C'est notre frère qui décide. Même nous, on n'est pas à l'abri. Nous, on n'est pas à l'abri. Donc, s'il dit, il pardonnera et il passera leur péché par sa grâce. Comme il l'a dit, et il pardonne en deçà du polythéisme à qui il veut. La chose, bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est le shirk. Shirk billah, le polythéisme. Si vous le restez, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Mais le polythéisme, c'est pas la peine. Si tu es associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, un autre Dieu ou une autre divinité avec Allah, c'est même pas la peine d'essayer de. Je veux dire à Allah subhanahu wa ta'ala, il me prie à la oui, mais c'était simplement pour me rapprocher de toi. Et aussi, dans le verset de la sourate 116, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il pardonne à qui il veut. Et s'il veut, il échappera au feu selon sa justice. Et on sait une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala yutkhilu ahla al-jannati. Des fardilés. On sait une chose, c'est que les gens du paradis rentreront pas par rapport aux actions qu'ils ont faites. Bien sûr, les actions que tu as faites, ça ne va pas tirer ta miséricorde divine. Allah subhanahu wa ta'ala, yarda bidhalik. Allah subhanahu wa ta'ala, il va être satisfait de toi. Mais c'est pas avec tes actions que tu vas rentrer au paradis. C'est de l'achat, c'est là, il va être obligé. C'est avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa grâce que tu rentreras au paradis. La même d'achat al-nar. La même d'achat al-nar. C'est-à-dire, et celui qui ressort en enfer, c'est avec la justice divine. C'est parce que la salle est juste. Tu mérites d'être en enfer, tu ressors en enfer. Alors, imaginez le mal. Là, c'est le total de l'enfer. Tu vois la différence? Salut, comme cela, on va rester à la tête. D'accord? On continue. Puis, suite à l'intercession des intercesseurs parmi les soumis, il les enverra au paradis. On sait que, le jour du jugement dernier, il y aura des gens qui auront le droit d'intercéder auprès d'autres personnes. On en avait déjà parlé dans un cours où on avait fait l'intercession, c'est pour ça que je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui veulent savoir la catégorie de ces personnes qui pourront intercéder, après le cours, on vous les donnera, Inch'Allah. Il y en a comme ça qui pourront intercéder. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose très très importante. C'est que même la personne qui pourra intercéder, il ne le fera que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa bi'idhnillah. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa salam, qui lui est le premier qui pourra intercéder, il ne le fera que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les gens, quand ils font des du'as, et qu'ils disent, y'a la sourate de la jita'fina, c'est faux. C'est faux de dire ça. C'est faux. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il ne veut pas intercéder pour toi. La chose qui est juste, c'est de demander à Allah, Ibn, de la soumise à un yeshfa'afina. La chose qui est juste, c'est de demander la permission à Allah, subhanahu wa ta'ala, que le prophète, le jour du jugement dernier, intercède pour nous. Comment tu dis bien ? On peut voir avec. On dit bien ? C'est toi qui l'action. C'est toi, est-ce que tu œuvres? Donc, vous voyez, tu n'as pas le droit de demander l'intercession auprès de n'importe qui. Tu n'as pas le droit. Ce droit-là, il te sera réservé le jour du jugement dernier par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que celui qui ne connaît pas la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, ne peut pas faire de différence entre la bid'a et la sunna. Et aujourd'hui, à l'époque où on est obligé de revenir aux sources les plus anciennes, qui sont le courant national, comme les sources nécessaires ont compris le message. Si on ne revient pas aux sources les plus anciennes, aux sources premières, on fait fausse route, on s'égare. Pourquoi on s'égare? Parce qu'aujourd'hui, la langue arabe, on ne parle même plus la langue arabe comme les Arabes autrefois parlaient l'arabe. Ça, c'est déjà une des choses. La deuxième des choses, cette sarque ou la piété que nous avons aujourd'hui en l'an 2000, elle ne ressemble pas à la piété que les compagnons avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La science que nous avons aujourd'hui, elle est moindre que la science que les compagnons avaient eux-mêmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième des raisons, c'est que la révélation, elle venait directement. Ils voyaient la révélation arriver. Ils n'ont pas de révélation. Ils vivaient avec qui? Avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivaient avec qui? Avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, ils en ont survécu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, subhanallah. C'est pas quand tu lis des hadiths et tu te dis que un tel, il est voué à mon frère, comme Abu Jahl, Allah s'appelle les enfants dans son Abu Lahab et Hassan, ou bien même Abu Jahl, etc. Ou bien Fir'aun, ou bien Haman, tous ces gens-là qui ont vécu parce qu'ils ont réellement vécu, ou avec le prophète Mohammed Sallam, ou avec d'autres prophètes. Mais comment? Ils ont eu des messagers divins pour le prophète que Allah s'appelle à envoyer, ils ont écrit. C'est fort, ça. Ça sort de l'imagination des gens. Tu te dis, regarde comment Allah nous a quand même choisi avec toi que nous vivons pour être prêts. C'est pas un bienfait. C'est un bienfait juréux si tu pries, tu remercies dans ton œuvre, c'est pas leur chair. C'est rien pour ce bienfait. C'est le bienfait qu'il a fait que tu sois musulman aujourd'hui. Tu peux pas remercier Allah. Une ni'ma. On connaît la fameuse ni'ma qui est parlée dans les hadiths de l'œil. Si on te demande de nous donner un seul œil, ou je remercie Allah, il faut un seul œil. Tu pourrais pas. Le fait d'entendre, Louis, remercie cette niama, il y a des gens qui ne peuvent même pas entendre. Une autre niama dépend de lui, la langue. Parce que la langue, elle a un détecteur de goût. Imagine-toi que un jour, tu as perdu ce détecteur de goût, tu fais plus la différence entre le froid, le sucre, entre le sucré, le salé, entre la mer. Tu manges, ces aliments, ils sont sans saveur. Et tiens, la niama, tu as l'air de m'en parler, t'as donné. Il y en a des tu vois, ils mangent, mais pour eux, c'est sale. Ils mangent du sel. Il n'y a pas de goût, il mange du sucre, il n'y a pas de goût, il mange de la mer, il n'y a pas de goût, il mange du piquant, il n'y a pas de goût, chaud, ça, il ne fait aucune différence. Tiens, regarde, de toucher, moi je veux de toucher, subhanallah. Tout ça, ce sont des liens, car la forme, elle a donné. Et comme ça, les liens, si tu les comptes, pour une tâche, parce que la haine, ça a eu des liens, maintenant, là, c'est sûr. Si vous comptez les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, vous n'êtes pas les compagnies. Subhanallah. Il y en a après quoi? Ils sont hors du lit. Quand tu me dis Allah, c'est un travail de Dieu, Allah, c'est qui est Allah? Vous êtes encore arriéré. C'est celui qui adore Allah, son frère, il est arriéré maintenant. Celui qui adore Allah, son frère, son créateur, il est arriéré. Il est arriéré. C'est pas le progrès. C'est de le faire en amas, mais ça là, c'est pas le progrès. Si c'est pas le progrès, j'en ai pas besoin du problème. Moi, tu m'as arriéré, j'adore mon Seigneur qui marche. Subhanallah. C'est bon, là, aujourd'hui, on est là en train de parler, alhamdoulilah, de. Ce que Allah a révélé dans le Coran, ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné, on va toutes ces choses-là qu'on est en train de lire et de voir, on va les vivre. On va les vivre le jour du jugement dernier. Allah sallallahu alayhi wa sallam, un des noms qu'il a nommé pour le Qiyama, Yom al-Fasl. Yom al-Fasl, le jour de la séparation. Mais la Aliha, parmi les sens de Yom al-Fakr, on va vous en donner un seul. Ce n'est pas le verbe aujourd'hui. On va vous en donner un seul. C'est le jour de la séparation. Vous avez la mecque, ils ont dit que Yom al-Fakr, lui, il est le jour de la déjà rien. Le jour du jour dernier, les croyants seront séparés des coupards. En bas, ce que je vais vous dire, vous allez le vivre le jour du jour dernier. Yom al-Fakr, il y aura deux clans. Il y aura le clan des croyants et le clan des mécréants. Et ça, on va le vivre, on va le voir délivrer là. C'est pas problème. Un exemple, il y en a plein d'autres exemples. Il y a des gens qui feront des discours, qui parleront. Ah ben, les mots qui sont mentionnés dans votre thème, ces gens-là, sur qui les écrits vivront ces mots-là, ils diront ces mots-là. Maintenant, nous, on ne peut pas continuer là. Pas continuer, mais attends, tu me tiens là. juste à contrat, est-ce qu'on sera sur terre ou on sera dans le ciel. C'est ça qu'on ne veut pas demander. Pourquoi les femmes de secte qui se garent? Parce qu'ils vont philosopher. Ils vont demander, mais attends, les gens vont demander, ça sera où? Ça sera sur terre? Ça sera dans le ciel? Ça sera dans l'autre monde? Et comment on a tout marqué? Est-ce qu'on va voir maintenant? Est-ce qu'on va pas le voir? Et les... C'est pas trop ce que question. Nous, ce qu'ils nous ont demandé, elle, nous, c'est le Jama, c'est de croire. C'est de croire. Il y a comme ça des groupes qui se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils philosophent. Quand on leur dit qu'Allah s'en prend la lèvre, donc il va se prendre les dunias, c'est pour le RFLNI. Je dis, mais comment il descend? Automatiquement, ils vont faire une ressemblance. C'est eux qui font une ressemblance, après ils attribuent cette ressemblance à d'autres. Alors que jamais on a dit qu'Allah il descendait comme le Sénat, par exemple. Jamais. Le Sénat, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit qu'Allah s'en prend la lèvre, il descend. Le prophète avec Allah s'en il a mentionné dans le hadith. On accepte le hadith comme tel. On accepte le hadith comme tel. Le hadith il est clair. Pourquoi vouloir essayer d'intercepter cette descente-là ou vouloir l'expliquer? Moi, je ne l'explique pas. Alors il a dit qu'il descend. On sait que là, c'est qu'il est le Cheikh. L'enseignant Allah, c'est bien le ressembler à Allah. C'est bien le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut même que tu vas t'imaginer Allah, subhanahu wa ta'ala, comme tu voudras. Ça ne sera jamais ça. Donc déjà, ici, tu fais fausse route. En voulant essayer d'expliquer. N'explique pas. Il y a comme ça des secrets du Coran qui ne peuvent pas essayer d'aller plus loin que ce que le Coran a donné. Et surtout quand on a vu le nom de la Akhida. Alors, c'est vraiment pas la parole de trône. Comment dit le trône? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est en bois? Est-ce qu'il est en fer? Est-ce qu'il est en verre? Ça peut demander ça? Ça peut pas demander. Alors, on a parlé de stone, il a parlé de stone. Alors, il a parlé de coursi. Coursi, c'est pas la chaise, attention. Le coursi, c'est le repousse-pied. C'est le repousse-pied. Pourquoi je parle déjà pas? Parce que la mère, quand il prend une coursi, il prend une chaise. Alors, justement, quand il prend une chaise, après, il va sortir une chaise, c'est-à-dire qu'elle va se faire une chaise, c'est-à-dire qu'elle a une fatigue, et tout de suite, il va philosopher. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. La plupart de ces livres. La plupart de ces livres, elle est attrayée en réponse à la philosophie gréco-romaine indienne, qui est rentrée dans la péninsule arabe, avant les Tawhid. Après, quand la philosophie gréco-romaine indienne qui est rentrée, ça a tout chamboulé, il y a eu des doutes, il y a eu des ambiguïtés qui sont rentrées dans la Akhida, lui, il a écrit la plupart de ces livres en réponse à cette philosophie. Tu vois? Mais il y a des choses qui ne sont pas demandées. On les accepte comme thème. Donc on a dit, si Allah se fera la zone, il les châtira au feu selon sa justice. Puis il les fera sortir par sa miséricorde. Mais il faut savoir une chose, c'est que les gens qui rentreront en enfer, les musulmans et les musulmans, ça y a toujours le livre de l'Ibn Allah. Ils sortiront de l'enfer ces gens-là. Même s'ils n'ont fait aucune bonne action. Même s'ils, dans leur vie, n'ont jamais rien fait. Il va dire dans son cœur, la ilaha illallah. C'est la raqida. Parce que c'est un souci à jamais. C'est pour ça que des fois, on commence à juger. On voit des faits, on voit des choses qui se passent autour de nous, tout de suite on juge. On dit hada kafir. On dit hada munafiq. Hada mufaddih. Il y a des conditions, tu ne peux pas dire qu'un tel est caché comme ça, tu ne peux pas dire que ça c'est un hypocrite comme ça, tu ne peux pas dire que lui c'est un innovateur comme ça, il y a des conditions. Si on ne répond pas aux conditions du couple, si on ne répond pas aux conditions du mutar, si on ne répond pas aux conditions du mutar, tu ne peux pas dire ça. Mais pourquoi attendre tout de suite à juger? C'est parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris, on n'a pas étudié notre arrivant. Et il ne faut pas faire comme ça quand tu leur poses la question, tu te dis, ah, j'ai besoin de l'arrivant. Vous avez un akhida ou ça n'est que je l'ai en 10 minutes? Ah bon? Un akhida, ça n'est que je l'ai en 10 minutes. Subhanallah. Si ça n'est qu'on l'a en 10 minutes, en 10 minutes, on aurait arrêté depuis longtemps alors. Quand je prépare le bas, parce que je le prépare le bas, je ne viens pas comme ça, je vous le réveille et puis je vous dis non. Je le prépare à la maison. Quand on va faire une phrase, je reste deux heures dessus. Une phrase, pourquoi? Parce que je me dis, attends, c'est lui qui a expliqué ça comme ça. Donc je vais voir dans d'autres livres comment il explique. Et on veut voir, et je vais comparer. Et de ça, tu as des renvois. Ici, tu as des signes qui te disent, si tu veux plus d'explications, va voir dans ta livre. Ou va voir dans ta livre. Alors que tu passes, pour une fois, tu passes 2 heures. Et des fois, moi je vous résume parce que je ne peux pas vous amener tout d'un coup. Je vous prends l'essentiel, je vous amène l'essentiel. Des fois, c'est pour une fois, tu as des pages et des pages. Alors je suis obligé de lire, tu ouvres les pages pour voir ce qui est profitable à votre niveau. En 2 minutes, ça donne un moment en fait. C'est quoi? Quand je lui dis, dis-moi, c'est quoi les conditions de la ilaha illallah? Il me dit, je ne connais pas. Il ne me dit pas, tu connais la raqida. Tu fais des choses, c'est parce que les choses que tu es en train de faire, tu es en train de te faire sortir de l'islam. C'est beaucoup de chouboulin, c'est beaucoup d'ambiguïté. Tu ne connais pas ta raqida. Aujourd'hui, la parole, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est obligé d'apprendre. On est obligé d'apprendre. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont rentrées dans la religion qui n'y étaient pas. Et comme dit Cheikh Al-Bani, rahmallah, il dit qu'aujourd'hui, il y a plus de bid'a que de choses sunnah. Donc on est obligé de revenir à la sunnah authentique pour pouvoir faire la différence entre la sunnah et la bid'a et l'innovation. L'innovation en religion. Parce que l'innovation dans la dunya, c'est permis. L'innovation dans la dunya, c'est permis. Il faut vivre avec son pain. C'est à faire comme ceux qui ont dit, mais vous qui voulez la religion, vivez, il y a 1400 ans derrière, ils insinuent qu'il ne faut pas vivre avec son pain. Ils insinuent que par exemple, celui qui veut s'éclairer, il n'allume pas la lampe, il allume des bougies, il n'en fait pas. Ils insinuent que celui qui veut se déplacer, il déplace à d'autres charbons. C'est ça qu'ils insinuent les gens. Et ça, c'est de la moquerie, ça. C'est des gens, c'est l'ignorance qui les fait parler. Tu dis, si tu veux vivre avec la religion, alors va le cerveau à ton travail. Alors on peut pas dire que ton cas est très rigolé, ou si vraiment il le pense réellement. Subhanallah. Et tu te dis, bah, alors, on mange pas avec des fourchettes, on mange avec des cuillères, on mange avec tes mains. On sait que manger avec tes mains, c'est sous-là. Mais des aliments, tu ne peux pas attraper avec tes mains, tu ne peux pas attraper avec la soupe avec tes mains. Comme si à l'époque du prophète a resté la totale, il y avait la cuillère. Il y avait des cuillères, subhanallah. Il y avait des aliments qui mangeaient avec la cuillère, il y avait des aliments qui mangeaient avec les mains. C'est pour ça que les gens, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils ne veulent pas se croire, parce qu'à l'époque du prophète a resté la totale, il y avait pas se croire. Voilà ce que les gens ils disent. Ça, c'est l'ignorance, ça. Qui un jour a interdit de boire du coca ou du fanta ou je ne sais quoi d'autre? Tu vois l'ignorance sur cette salle d'Isabelle? Les choses les plus importantes, c'est les bêtes. Et les choses futiles, les petites choses banales, ça n'a rien à voir, c'est sur ça qui est dangereux. Il parle à Boston, on a entendu comme ça, une question qui a été posée. Est-ce qu'on a le droit de manger du fromage ou pas? Voilà les questions des gens. Coulons la clé de l'air. Est-ce que là, moi je mange du fromage ou pas? Si je mange du fromage, non, c'est pas manger du fromage, je mange pas, je mange pas. Vous avez des questions que j'ai avec toi? Non, je ne sais pas. Là, je la mets ici ou je la mets comme ça? Je la mets comme ça ou je la mets comme ça? C'est des questions, ça. Donc on a dit, suite à leur intercession, c'est-à-dire l'intercession des intercesseurs, parmi les soumis, c'est pas n'importe lesquels bien sûr, ce sont les mu'minina haqqa. Ceux qui eux, bien sûr, n'entreront pas en enfer, parce qu'il y en a qui rentreront pas en enfer. Et il ne faut pas faire comme certains juhal disent, ah le paradis ça y est, il est compris à la plus haute classe. Je dis parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Tu dis, ouais, ce n'est pas la peine de faire ce que tu es en train de faire parce que le paradis il est passé. Tu te rends compte comment les gens le font. Il y en a, Inch'Allah, parmi nous, du Ibn Illah, les gens de l'enfer seront même pas comme on a dit. On va mettre un nom de mots. Il y en a un frère, ils diront ce repas. Il y en a, ils diront directement au paradis. Allah m'a donné. Ça, c'est la hafida, ça. C'est le croire. Il faut mitla, mitla bil khairat. Une tâche veille, deux convoitiser le bien. Alors, tout cela, il se donne des bienfaits dans le bien. Il peut pas dire, merci. Il ne faut pas se priver de ces bienfaits qu'Allah s'est fait donner. Le prophète Ali Salah Sukhani l'a dit, la rahdaniyati, c'est l'islam. Il n'y a pas de vie monastique en islam. On ne doit pas faire comme ceux qui se privent de tous ces bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné. C'est des bienfaits. C'est le halal, profite-en. C'est le halal, profite-en, subhanallah. Mange bien, habille-toi bien. Si tu veux avoir une belle voiture, qui t'a pris? Si tu as les moyens d'acheter une belle voiture, achète-toi une belle voiture. Pourquoi, à l'époque du prophète avec le salam, les compagnons n'essayaient pas d'avoir des plus beaux chameaux, des plus beaux chevaux? Bien sûr qu'ils essayaient. C'est pas interdit. Pas les moyens d'acheter une belle voiture confortable. Achète une belle voiture confortable. Pas les moyens d'acheter une belle voiture, c'est triste d'acheter une deux chevaux. D'une voiture qui l'exagère à 2000 francs. Non, subhanallah, les gens ils ont l'impression qu'en rentrant dans l'islam, dans la religion, c'est-à-dire qu'on se prive de tout. Non. Il y a des limites à ne pas transgresser, il y a des interdits à ne pas consommer, le reste, oui, subhanallah. Subhanallah. Et ça démarre. Même les gens, ils ont fait pas de soucis. Parce que quand ils viennent par les salam, ils leur ont révélé une gile, c'était pas faux. Il n'aura jamais vu de vous enfermer dans des monastères et puis adorer comme ça sans vous marier par exemple. Il se prive du mariage. Il se prive du mariage. Mais ce qu'il pense, c'est encore plus. Il pense que comme l'autre a fait. Ce que le peuple de l'autre a fait. Bon, ça ne peut pas me raconter n'importe quoi, subhanallah. Alors, si tu te permets de te marier, tu te maries pas, et après, quand tu te retrouves en assemblée, il n'y a pas de femme, c'est normal qu'une femme est créée comme ça, il a des pulsions, il va faire le haram encore pire. Il va faire pire, il va faire prendre l'autre, le peuple de l'autre. Subhanallah. C'est grave. Donc, on a dit, et il ne sera pas en son paradis, ces croyants, bien sûr, qui étaient en son enfer. Ceci parce que Allah le Très-Haut se charge de ses adorateurs, connaisseurs et les honneurs. Pourquoi ceux qui pourront intercéder par la permission de la Sainte intercéderont. C'est un cadeau de la Sainte. C'est parce que Allah le Très-Haut leur a fait honneur. Il leur a donné déjà un cadeau avant d'entrer au paradis, c'est de pouvoir intercéder. Ça nous a beaucoup de pouvoir intercéder. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui était voué de à l'enfer, ça veut dire qu'il ne rentrera pas. C'est qu'il y a une carte en plus. C'est que toi qui peux intercéder, tu as une carte en plus. Tu peux demander à Allah. Ça veut dire Pierre là. Je suis persévé. Je suis persévé ça. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'intercédeur. Par exemple, quelqu'un va chercher du boulot. Il va voir un patron, voilà, je viens travailler, il fait voir son CV, tout cela. Il y a des chances qu'il soit pris comme il y a des chances qu'il ne soit pas pris. Mais, c'est quelqu'un, il l'a envoyé par un intermédiaire. Il fait, oui, c'est un tel qui m'a envoyé et tout. Et qui soit intermédiaire, il a déjà parlé à son patron, voilà, il a fait, il va dire, c'est quelqu'un de sérieux, bien, il fait de le prendre fou. Déjà, ses chances sont plus grandes. C'est pareil, auprès d'Amba, il manque rien là. Tu viens comme ça, tu fais, il y a un pas mal. Mon père et tout, c'est quoi de mon père et il a fait le sort pour moi. C'est de se justifier bien que Allah s'en fait ce qu'il y a dans son cœur. Mais Allah s'en fait, il aime bien comme ça. Il aime bien. Il aime bien Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin de le dua. Il a besoin de rien Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parfait Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs ou pas, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Est-ce qu'on a besoin de demander pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne? Non. Mais il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Pour pourquoi? Savoir de Alhamdulillah. Pour s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour reconnaître que c'est lui le plus grand. Normalement, on ne devrait pas dire plus grand, c'est lui le grand. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on l'utilise quand même comme ça, dans le superlatif. Il n'y a pas quelqu'un de plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois que quand tu dis Allah il est grand, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pour se vanter devant les anges qui ont dit, mais comment tu vas créer des créatures qui vont répandre le sang sur terre? Je sais ce que vous ne savez pas. Et quand les insan fait du'a à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont orgueillis devant les anges. C'est vous qui disiez que les serviteurs allaient répandre le sang sur terre? Regarde comment ils s'humilient devant moi et me demandent. Subhanallah. Alors ça, il n'a pas besoin qu'on demande. Il peut nous donner sans qu'on demande. Il faut qu'il marque l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ton patron. Ton patron, par exemple, quand tu veux sortir plus tôt parce que tu as un rendez-vous important. Tu vas le voir et tu lui fais... Bon, je dois sortir plus tôt, hein. Alors tu me sortiras. Non, tu vas pas lui faire ça. Comme ça, c'est voilà, tout. J'ai rendez-vous très important. Je fais de tout mettre calme, tu vois. Je fais tout pris devant lui. Voilà, j'ai un peu important, je ne pas, je crois, c'est bloqué, c'est bloqué, vous me direz, blablabla. C'est quand même, je ne dis pas de lui passer de la promenade, tu vois. Mais c'est quand même de gagner sa sortie plus tôt. Tu vas essayer de l'amadouer. Pour qu'il te donne la chose désirée. Et alors, avec Allah, comment on doit se comporter? C'est avec le patron, on se comporte comme ça. Avec Allah, comment on doit se comporter? Allahu Aula, subhanallah. Et donc, on a dit que Allah, subhanallah, Allah honore les connaisseurs, ceux qui connaissent Allah, subhanallah, Al-Arifina Billah, ceux qui connaissent Allah, subhanallah, sans les confondre, sans les traiter de la même façon. C'est-à-dire que Allah ne va pas traiter tout le monde de la même façon. Chacun sera traité de la façon qu'il mérite. Chacun sera traité de la façon qu'il mérite. Celui qui veut être traité comme ça sera traité comme ça. Celui qui veut être traité comme ça sera traité comme ça. Subhanallah. Donc, dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà, si vous y a déjà, Allah comme cela leur fait honneur. Et la suite, c'est l'akhirah, Inch'Allah. Moi, c'est ce qu'on a dit. On a dit que tout ce que le musulman, le croyant, reçoit de bien sur terre, c'est sous forme d'échantillon. C'est temporaire. C'est sous forme d'échantillon. Mais le véritable bienfait, c'est l'homme de l'akhirah. C'est le jour du jugement dernier et il sera honoré par le paradis de l'Islam. Donc on a dit, sans les confondre, sans les traiter de la même façon, dans les deux demeures, ici-bas et l'au-delà. Et c'est les acteurs qui ont raté sa voix et son amitié par rapport à ceux qui ont raté la voix de soi sur la translation du prophète alayhi salatu wa sallam. Et qui ont raté l'amitié d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah a oublié Allah, Allah a oublié Shaitan. Où tu es l'ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Si tu n'es pas l'ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne fais que l'ami du Shaitan. Subhanallah. Ici, le Sharh yaqul, إن مرتكب الكبيرة وهي ما ورد فيه حد أو لعنة أو وعيد بالنار أو وصف شديد في شأنها لا يخلد في النار إن دخلها. Ici, le texte qui nous dit, donc maintenant, on va reprendre l'explication en arabe, parce que la traduction du texte en français, maintenant, on va expliquer en arabe ce qu'il a voulu dire par là. Que celui qui fait un grand péché, et en faisant un grand péché, il y a beaucoup de versets et de hadiths qui nous disent qu'il y a des sentences pour ceux qui font des grands péchés. Il y a même des fois, voire l'âne, c'est que la personne elle est maudite. Ou bien wa'id, wa'id c'est le contraire de wa'd. Wa'd c'est tout ce qui est positif, tout ce qui est paradis, tout ce qui est, comment on appelle ça? Tout ce qui est jouissance, voilà. Ama wa'id c'est le contraire, c'est tout ce qui est châtiment, tout ce qui est punition. Binar par l'enfer, oh, wa'd son chalit, c'est chalit. ou bien même déjà Allah subhanahu wa ta'ala, façon comme il est décrit dans le Coran, ces gens-là qui font des grands péchés, ou bien le prophète alayhi salatu wa sallam les décrit dans le hadith, c'est grave. Il te dit la yukhalladu finnari idha dakhaluha. Ils ne seront pas éternels en enfer, ils ne rentreront pas éternellement. لأنه مات على التوحيد فقط تصير مرافع على التوحيد كما يقول لا إله إلا الله ذكر حتى وإن مات من غير توبة même si il meurt alors qu'il n'a pas fait tauba, il ne s'est pas repenti d'un péché grave ou d'un grand péché qu'il a fait tant qu'il n'a pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il n'a pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il peut avoir fait un grand péché qu'il veut. Mais le genou, ça ne veut pas dire qu'il nous a permis de faire des péchés. Attention, il ne faut pas qu'on ne s'en comme ça. C'est-à-dire que là, on est en train de dire ça, que demain, ah oui, ça y est, chef, il a dit ça, je peux faire les grands péchés, je sais que je rentrerai au paradis. Mais celui qui rentre en enfer, je ne lui souhaite même pas de voir l'enfer une seconde. Une seconde, je ne lui souhaite pas. Parce que cette seconde-là, si on devait la calculer par rapport au temps de la dunya, ce serait des années. Avec la seconde. Alors quand on se dit qu'il y a des gens qui vont rentrer en enfer pour une éternité, indéterminé, c'est-à-dire que يخرجون من النار. Mais ça, il y a un yasha Allah, quand Allah aura décidé. Tu vois? C'est grave. Et c'est grave. وما دام قد لقي الله عز وجل مؤمنا به عارفا به فإنه تحت الماشية. إن شاء الله عاقبه بعد له. Attends, je suis là. تحت الماشية إن شاء الله عاقبه. أو عذبه بالنار لكن لا يخلد فيها. Donc nous, s'il rentre en enfer, ça ne sera pas éternel. Il n'en sort pas. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois des gens qui font ce qu'ils font, peut-être qu'il y a des gens qui font ce qu'ils font. Parce que quand tu dis qu'est-ce que tu entends ? Ça sous-entend que s'il meurt, ça sera en enfer éternellement. Ça sous-entend que si demain il vient demander la main de ta fille, tu ne peux pas lui donner parce que ta main, la main de ta fille, tu ne peux pas lui donner à chacun. C'est-à-dire que s'il meurt, tu ne le laves pas, tu ne le questionnes pas, tu ne mets pas le linceul, tu ne pries pas sur lui, tu ne l'enterres pas dans un cimetière de musulmans, et en plus de ça, il ne mérite pas de toi. Tu vois ce que ça sous-entend ? Donc, le Hamid le Hamid ne trouve pas, et tu devras être envers lui, tu devras être envers lui comme quand tu es devant un kafir. C'est grave. Je veux dire de son sort que c'est un kafir, surtout si ce n'est pas un kafir. Et quand je dis, mais pourquoi tu me traites de kafir ? Oh, t'as vu, il donne la colle. Si les gens donnent la colle, c'est-à-dire que c'est un kafir. Ouais, ils volent. C'est-à-dire que c'est un kafir. Tu vois ? بل يخرج منها برحمة الله وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. Et celui donc le privilégié des privilégiés, c'est bien le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui intercédera auprès de sa communauté entièrement. وإن شاء الله عفى عنه وغفر له بفضله وكرمه. Et si comme on vous a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala décide de lui faire miséricorde et de lui faire grâce, une personne qui était vouée en enfer, n'a jamais fait de bien dans sa vie, mais Allah subhanahu wa ta'ala, شاء هكذا لحكمه أراده. Pourquoi ? Parce que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas où ça qu'il a, il la place. Il a voulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Subhanallah. وكل ذنب سوى الشرك ترجى له المغفرة. Sauf que الشرك, c'est-à-dire que n'importe quel péché que tu aies pu le faire, quel péché que tu aies pu le faire, ce soit un grand péché, sauf le shirk, tout le jalal al-maghfira. On lui souhaite le pardon. On lui souhaite le pardon. On ne dit pas comme les mu'tazila ou bien les khawarij, qu'ils ont dit ça que c'est qu'est-ce qu'ils ont dit, on dit que non. Sahib al-kabira yakhluf fil nar wa khallas. Sahib al-kabira, celui qui a fait un grand péché, mais les musulmans, ils rentreront en enfer éternellement. C'est bon ? Nous, on ne dit pas comme ça. Ah, juste notre jamal, ils ne disent pas ça. Ils disent que non, ça arrive au Shabira, là, il y a le Sunna. Et il y a donc des catégories. Il y en a qui rentreront en enfer, il y en a qui n'entreront pas en enfer. Mais ceux qui rentreront en enfer, en sortiront des idées là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. En dessous de quoi de cela? De cela, ça retourne à qui? Ça retourne au shirk. C'est-à-dire qu'en dessous du shirk, il pardonne. N'importe quel péché que tu peux t'imaginer dans ta tête, je ne sais pas, n'importe quel péché. Tout ce que tu as fait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il se le pardonne, bi idhnillah. Incha'a, s'il veut, bien sûr. Toi, ne fais pas le péché, mais au cas où tu connais ce péché, sache que Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Parce que si tu dis dans ta tête, comme ça, dans ton esprit, tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, ou Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de repentir, l'imad al-summa, nabsahu al-rafour al-tawwab, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala alors il se fait appeler le pardonneur? Et celui qui accepte le repentir, il a coulé à la cadre à sa fille, mais c'est pas celui-là. Si tu dis que non, Allah s'en a, il pardonne pas, ou bien il n'accepte pas le repentir, tu as quoi? Tu as enlevé deux de ses attributs qu'il t'a donné lui-même. Alors, ça s'appelle le rapport, il s'appelle le rapport. Et il s'appelle le travail, celui qui accepte le repentir. C'est pour ça que toi, dans ton cœur, il faut que tu te dises que Allah s'en a, il est pardonneur. Et pourquoi que tu laisses le shaitan conduire en erreur, et tu dis, oui, mais regarde le péché passé. C'est une grave péché passé, et tu crois qu'elle est pardonnée. Parce que des fois, shaitan, il vient porter le tafla, il vient faire peur au serviteur d'Allah, etc. Surtout quand le serviteur, il veut revenir. Il était dans le péché, il était dans le péché. Maintenant, il veut revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, le shaitan, il vient. Il dit, oui, mais regarde, c'est le péché passé, tu crois qu'il y a un tafla, de venir devant Allah, subhanahu wa ta'ala, avec un péché pareil. Et il fait peur au serviteur, dans sa tête, oui. C'est vrai, j'ai honte. Comment je vais rencontrer Allah? C'est pas avec ce péché? Non, c'est pas grave, laisse-moi dans le péché. Ah, il faut pas penser comme ça. Au contraire, Shaitan te dit, va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, je vais voir Allah subhanahu wa ta'ala. Je retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man wa man asaba min dhalika shay'in, thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah, in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azaba. » Celui qui a fait un grand péché, mais que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc préserver, il a voulu le montrer devant tout le monde, a voulu le cacher. Tout le monde s'attara de Allah, fa'huwa ilallah, insha'a ghafara lahu wa insha'a azaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est tous compté. C'est-à-dire que malgré que des fois tu t'es dépêché, tu crois que personne te voit, peut-être des gens de la dunya ne te voient pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala te voit. C'est pour ça qu'au moment du péché, au moment du péché, pense à celui qui te voit. Et pense à celui qui voit toutes choses. Au moment du péché, au moment où tu vas faire un péché là, pense à celui qui voit toutes choses. Et dis-toi que elle m'aura fait. Il me surveille, il me voit. On va savoir un péché, une chose banale, qu'une personne, un être humain, ne veut pas que ça se voit. Un péché. Je ne veux pas que mon frère voit que je suis en train de faire ce péché parce que c'est un péché. J'ai un devant lui. Parce que ton créateur, il est en train de te voir en train de faire ce péché. Tu fais un péché. Des fois, tu fais une chose par honte, tu dis là, j'espère que personne va venir à ce moment-là. Là, j'espère qu'il y a plein de personnes qui vont me faire en train de faire ça. Au moment où tu es en train de faire un péché, là, j'espère qu'on m'a pas vu le faire. On a une impression sur ma vue, c'est pas fait. Hein. D'accord? Moi, j'espère qu'à la fin, il est en train de faire ça. Mais une fois, le prophète, avec Salah Sallam, il vit avec nous dans notre époque. En train de faire un péché, que le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam va retenir. Regarde la honte de ta vie que tu vas voir. On va pas loin, même pas un compagnon. Un alim il a les ulama. Un frère parmi les frères. Un ami, même pas un ami que tu estimes beaucoup. En train de faire un péché, en train de te voir. C'est même pas le dimanche, mais. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça le sens? Je pensais que c'était ça, c'était ça. Enfin voilà. Au moment du péché, face à celui qui voit tout. On n'est pas parfait, il faut pas prendre. Je vous dis ça, que moi je ne suis pas du péché. On fait tous des péchés. Comment il nous pardonne? Mais nous, on est en train d'essayer de s'entraider. C'est-à-dire, on a le bébé, on va faire quoi? Quand je vous dis ça, c'est pour qu'on s'entraide mutuellement. En vous disant ça, je prends la responsabilité de dire une chose que je ne sais pas. Au contraire, je dis attention si je leur dis ça. C'est-à-dire que moi, je suis le premier à faire plus d'attention que vous. Je me dis, je suis en train de vous dire de faire faire des péchés parce que celui qui voit tout, au moment du péché, il ne nous lâche pas. Et moi, je vais faire des péchés. En vous disant ça, je prends la responsabilité de m'efforcer à ne pas faire le péché. Et vous, en m'écoutant, vous faites le temps de ne pas faire le péché. Pourquoi? C'est ce qu'on vous a prévu. sur la tête de lui, ah, on est dans la personne n'a dit qu'il peut pas faire de péché charité. Pas qu'il y avait quelqu'un qui ne peut pas faire de péché charité. Pas qu'elle a m'a observé, non. Alors maintenant, c'est prévenu, mon ami. T'as pas le choix. C'est comme Omar ibn al-Khattab, l'Amir al-Mu'minin, il a fait, une fois dans un khidmat du Mu'ayn, il a dit « La khayra fina la nakhudouha »« Wa la khayra fikum la taqbalouha » Il nous dit « Mais le moment, on a lié » Et il leur a dit « Il n'y a pas de bien en nous, d'être ceux qui peuvent parler » Allah par exemple, c'est un gouvernant, ou bien c'est un savant, ou bien quelqu'un sur une barre, ou bien quelqu'un qui vous donne des choses comme ça. Il n'y a pas de bien en moi. Là, je traduis ce que Omar ibn al-Khattab a dit, si on ne vous le dit pas. Et il n'y a pas de bien en vous si vous ne l'acceptez pas. Ils ont dit, c'est quoi, il y a Amir al-Mu'minin ? Il a dit, c'est le conseil, al-Nasiha. Qala al-Nasiha, le conseil. Si je ne vous conseille pas, pourquoi vous venez ici, ce n'est pas la peine de venir ? Si vous ne vous acceptez pas mon conseil, ce n'est pas la peine que c'est moi qui gagne. Sinon, c'est réciproque. C'est collatéral. C'est-à-dire qu'on a besoin. Moi, j'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi pour qu'on s'entraide mutuellement. وهذا حتى لو مات مرتكبا الكبيرة من غير توبة. Donc ici le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il nous dit que même s'il a fait un grand péché, mais tant qu'il n'a pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala قادر أن يغفر له. وهذا هو الحق للتلاغي خلافا للمعتزلة والخوارج الذين قالوا بخلوده في النار. Et ça va à l'encontre de la parole des خوارج et des معتزلة qui ont dit que non, lui, il rentrera en enfer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de tous ces versets et de tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? وذلك أن الله تعالى برحمته لم يجعل أهل معرفته والإقرار به كأهل إنكاره سواء في الدنيا أو في الآخرة. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne traitera pas de la même façon les gens vertueux comme les autres. Déjà dans le dunya on peut voir la différence, ça va même faire l'آخرة. Si dans le monde on peut faire la différence. Alors dans أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. C'est-à-dire ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort? C'est différent. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ traiterons-nous les soumis de la même façon ou bien de la même manière que les criminels? Non, chacun se traite selon ce qu'il a fait. ويقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله عز وجل ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. Nous voyons correcte la prière derrière tout pieux et tout pervers parmi les gens de la Qibla. Ça veut dire que maintenant, il nous est permis de faire la prière derrière toute personne pieuse comme toute personne perverse. Tant que ce n'est pas un kafir billah, tant que ce n'est pas un mouchrik billah. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que là je suis obligé de faire un. Mais je peux dire quand même une chose. Tant que ce n'est pas un obstacle qui fait une bid'a, mon père sera. Tant que ce n'est pas une personne qui fait une bid'a, mon père sera. Une innovation qui va le faire sortir de l'islam. Quand ce n'est pas une bid'a, comme ça. Parce que le bid'a, c'est un khatim. Il y a le bid'a, mon père sera, le bid'a, makhwara. Et après, il y a encore d'autres groupes, il y a le bid'atou idafiyya ou le bid'atou al-haqiqiyya. Je ne veux pas rentrer dans le domaine de la bid'a aujourd'hui, وصالحها تنظر إن شاء الله. لتقنى أثر إن تقلت كم استخدام الإسلام كم تقلت في الأسلام كم استخدام الإسلام وفخلق في هذا يعني دكا. Comme nous voyons encore avec la prière sur n'importe lequel d'entre eux qui meurt. Même si maintenant quelqu'un meurt, et par exemple il n'est pas mort soumis, on ne fera la prière derrière. Donc on sait que ce n'est pas un kafir. Donc on sait que ce n'est pas un mécréant. Si tu sais que c'est un mécréant, tu n'as pas de prière à faire sur lui. Comme la yajuz an yurahima al kafir. Il nous est interdit de dire Allah yarahmo, par exemple, au kafir, que Allah lui fasse miséricorde. Quelqu'un est mort incroyant, tu n'as pas le droit de cœur de lui dire que Allah lui fasse miséricorde. Ou bien, comme certaines personnes disent, Allah yarahmo de rahmte. Le kafir, il n'a pas de rahma. La rahma, là, ça joue au il a des musulmans, que pour le croyant. Après, il nous dit ici, nous ne témoignons pour personne d'entre eux de l'entrée au paradis ou en enfer. Même une personne pieuse, quand elle meurt, on ne pourra pas dire de elle qu'elle est vouée au paradis. Ou par exemple, une autre personne qui meurt dira, ah, ça va, c'est pour l'enfer. Alayhi sallallahu bi ahkam al hakimin, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur juge. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. Un tata, je l'aime. Tu espères pour lui qu'il aura le paradis, qu'il sera éloigné de l'enfer. Tu sers pour lui. Et tu sais que si lui est mort dans la désobéissance, tu demandes pour lui pardon. Allah mahfirlah, Allah marhamah. Parce que maintenant, lui, il a besoin de tes doigts. Et non pas le vivant qui a besoin de mort. Le vivant n'a pas besoin de mort, le vivant. Et pas de voir les chiens et puis de demander aux saints et de dire Ya Shir, Ya Yorbi, Ya Kada, Ya Kada. Ça n'existe pas, Hadat l'Islam. Hadat Shir, qu'on peut dire. C'est l'Islam. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Pas comme certaines sectes égarées qui implorent les tombes et qui implorent les morts et qui sacrifient pour les morts et qui font des vœux pour les morts. Et ils demandent par l'intermédiaire des morts. Ils se disent oui, mais ces gens-là, ils étaient pieux. Allah l'aime des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait s'ils étaient pieux ou pas. Tu peux pas savoir ce qu'il y avait dans leur cœur. Inch'Allah. Inch'Allah. On demande à la souffre qui va comme ça. Et même s'il est pieux, il n'a pas à ramener le bon. Ça y est, ses actions sont arrêtées, sont coupées. Il n'a mis une salade, on connaît le hadith. Subhanallah. Et en plus de ça, il ne s'entend pas. Et même s'il s'entendrait, il ne ferait rien pour soi. Avec une salade. Dans le cas où il t'entendrait, dans le cas où il t'entendrait, il ne peut rien faire pour toi. Pour lui, il ne peut rien faire. Comment il va faire pour toi? Pour lui, maintenant, il a fait ses actions. Une khayel fakhayel. Il sera une sachante. Si ses actions étaient bonnes, alhamdulillah, si elles étaient mauvaises, c'est lui et ses actions dans sa tombe. En plus de ça, il n'a pas de temps pour ça. Parce que si c'était quelqu'un de bien, il est en train de jouer à des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. Il va rester les bienfaits qu'Allah lui donne dans sa tombe, il va voir ce qu'il fait de ce côté. Et s'il était en train de se faire punir, se faire châter, il n'a pas tant noté de se sauver de son châtiment qui lui est réservé. Donc on a dit, nous le témoignons pour certains d'entre eux l'entrée au paradis ou à l'enfer. On ne dit pas que s'il allait au paradis, on ne dit pas que celui-là est l'enfer. Inch'Allah, il est au paradis, car Allah subhanahu wa ta'ala est l'enfer, pour des actions, et ne témoignons plus de la mécréance. On ne dit pas que c'est un mécréant de certains d'entre eux, de son polythéisme ou de son hypocrisme, aussi longtemps que cela n'apparaît pas en lui. C'est là que ce qu'on vous a dit qu'on n'a pas le droit de dire qu'un tel est kafir, le créant, ou un tel est hypocrite, ou un tel est innovateur, tant qu'on n'a pas vu une preuve de sa part, nous prouvons qu'il est mécréant, nous prouvons qu'il est hypocrite, ou nous prouvons qu'il est innovateur. Tant qu'on n'a pas vu un signe particulier qui va te donner la chance. D'ailleurs, ça sera du coup. Et après, pour dire que c'est un kafir, est-ce qu'il était volontairement ou involontairement? Est-ce qu'il était avec science ou avec ignorance? Il y a beaucoup de conditions. chose que tu ne veux pas dire à moi, je montre ce que tu es en train de faire. Non ? Suis ce que tu es en train de faire. Hein. Par exemple, tu égorges pour le mort, là. Tu sais que c'est du chien de l'humain ? Ah non, ça n'est pas que du chien de l'humain. Ah non, c'est du chien de l'humain. C'est un homme de garder. C'est une je ne sais plus. Et il se retransmet. Tu vois ? Et je ne savais pas en ce quelqu'un, tu viens, tu lui expliques, tu lui dis, excusez, ma part c'est du chien, je vais avoir les hadiths qui sont clairs, parce que la première vision sera sans même. Ah non, ça c'est vous qui avez interprété comme ça. Et il reste dans, dans son chiffre, alors là, c'est là où tu diras de lui que c'est un mochib de l'air. Une fois que les preuves sont arrivées, c'est le chute de Jarfoun, calme. Tu as donné des preuves, tu lui as dit, voilà, mon frère, il y a ce que tu es en train de faire. C'est pas que tu viens et que tu ramènes rien comme argument. Tu viens, tu dis, c'est du chiffre, tu vas dire, oui, donne-moi tes preuves. Ah ben, j'ai oublié la maison, les preuves. Subhanallah. Tu veux parler avec quelqu'un, amène tes arguments. Je le dis toujours, et je le répète parce qu'il y en a peut-être qui ont parlé parmi vous, les autres qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Celui qui veut parler à une personne, il doit ramener ses preuves. Ça veut dire quoi ses preuves? Si tu vois ton frère, il ramène un hadith d'Aïs par exemple. Ton frère il parle avec toi, il te dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un hadith. Il t'amène un hadith, une histoire. Tu dis, mon frère, ça fait l'idée, il est d'Aïs. Ça te lèche. C'est pas suffisant de lui dire que c'est un hadith, il est d'Aïs. Qu'est-ce que je dis en fait de cette genre d'Aïs? Pourquoi il est d'Aïs? Il faudra lui ramener un rythme à faire un hadith. Il faudra lui ramener pourquoi il est d'Aïs. Tu me dis, oui, il a fait d'Aïs. C'est pas si bien d'Aïs ou bien d'Aïs. Mais pourquoi il est d'Aïs? Pourquoi il est d'Aïs? Et tu devras lui expliquer pourquoi. C'est un haram, c'est un haram. Pourquoi c'est haram? Ah, c'est le haram, c'est un haram. J'entends le haram, alors c'est haram. On peut être ok ou là? On peut être ok, subhanallah. Et une chose, on sait pourquoi on l'a dit. Subhanallah. Quand il fait haram, on dit pourquoi? Voilà les dalils, c'est le Coran, voilà les dalils, c'est le hadith. Quand il fait le hadith d'arrêt, pourquoi? Parce qu'il y a un fait dans les chaînes de narration qui est connu dans le mensonge. Qui est connu pour sa faiblesse de mémorisation, qui est connu pour ce manque de piété, etc. etc. Il est d'arrêt parce que le texte, c'est pas logique. Tu vois? Par exemple, il y a un hadith comme ça qui, que les gens disent, un hadith Qudsi. Ce hadith Qudsi dit un arourid ou un taturid. Voilà, il y a un arourid. Fa'in ata'atani fi naturid, ata'ituka naturid. Wa'in ta'atani, wa'in. Qu'est-ce que c'est de genre là, ce hadith-là? Hein? C'est peut-être un hadith, c'est un hadith mensal, là, qui veut Allah? C'est un hadith produit, c'est un hadith qui dit que moi, mon serviteur, toi tu veux et moi je veux. Mais il n'y a que ce que je veux. Si tu fais ce que je veux, tu auras ce que tu veux. Et si tu ne fais pas ce que je veux, tu n'auras pas ce que tu veux, il y aura que ce que je veux. Il y a un là. C'est jouer avec la religion. Mais oui, on va tout faire maintenant avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Le texte en lui-même, il n'est pas clair. Il n'y a que ce que Allah veut, subhanallah. Fais ce que tu veux de toi. Subhanallah. Mais ce hadith-là, rien qu'en vendredi, je l'ai entendu pour le mémoire. Sur le mémoire du prophète, je l'ai entendu. C'est bon? Mm-hmm. Donc on a dit, certains d'entre eux, ouais, on l'a lu. Quant à leur secret, nous laissons à Allah le très haut. C'est-à-dire, si maintenant, on sait que cette personne-là comporte de telle bêtise, telle bêtise, telle bêtise. Tu ne vas pas rencontrer les gens de dire, ouais, regarde cette personne, comment il était, regarde ce qu'il faisait. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas quand on parle des morts, on dit Allah Irahim, qu'Allah lui pardonne. Pourquoi tu veux qu'elle aille parler? Regarde, s'il ne veut pas pécher, parce que ça, c'est des choses qui restent entre lui et son Seigneur. Toi, tu sais que c'est un musulman, il est mort, il a l'air d'avoir son cœur. Laisse-le entre lui et son Seigneur. Si Allah s'en veut lui pardonner, il lui pardonne. Si maintenant Allah s'en ne veut pas lui pardonner, Allah s'en veut, c'est ce qu'il veut. Mais toi, tu ne vas pas venir dire à l'homme, regarde, s'il veut. Pourquoi tu demandes à Allah de faire des erreurs? Mais Allah s'en veut, il ne fait pas les erreurs. Si toi-même, tu veux que le jour du jugement dernier, Allah s'en veut, il ne fait. Toi-même, tu veux que la personne te pardonne tes péchés. Comment la personne ne te tue pas, qu'elle pardonne les autres? cela s'arrêtera ici parce que c'est encore mieux. Et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanallah, wa bihamdihi, wa shukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.